Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 72. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 1er avril 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es l'homme à la tête de chou. Tu es vilaine et disgracieuse, tu es Quasimodo, tu es varice et vergeture, tu es affreux, sale et méchant, et tu es aussi... Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est différent. Et puis Thérèse, elle est drôlement intelligente, elle a fait l'école d'assistante sociale. Va t'asseoir, le tromblon. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es moche, et bien sûr, la nature ne t'a pas gâté. Alors, nous sommes aujourd'hui le 1er avril, journée dédiée, comme chacun sait, aux esprits moqueurs et facétieux. Ainsi, à l'heure où les poissons sont à l'honneur, eh bien la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin pendant 53 minutes de s'intéresser plus particulièrement aux morues et aux thons. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle de la laideur. Et pour commencer... Des dodus de Rubens aux mannequins anorexiques sur les podiums, il faut te retracer l'histoire de la perception du beau. Ensuite, durant quelques minutes, à toutes celles et ceux d'entre nous qui souffrent d'un physique difficile, nous essaierons d'offrir quelques petits conseils pratiques. On enchaînera d'ailleurs sur une petite merveille de la troupe des déchiens qui viendra nous vanter les mérites de la chirurgie esthétique. Et puis, dans la foulée, nous te révélerons combien les vieux éléphants du Parti Socialiste sont pour le moins complexés aujourd'hui par le relooking de Ségolène Royal. Et enfin... te raconter pourquoi Monique s'est mise à douter de son physique ces derniers temps, même si Jean-Claude a bien essayé de trouver des solutions pour la rassurer. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et glorifie les sapris. You make me feel, c'est ce que chante en 1979 sur la planète disco l'énigmatique Sylvester, personnage androgyne des nuits new-yorkaises, parce que c'est bien connu, sois belle et tais-toi, et Sylvester, lui, pour être beau, il s'habillait en femme. Alors, ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de s'intéresser à la difformité et à la laideur dans notre monde où la publicité et les médias dominants nous infligent la représentation continuelle d'une beauté normée. Alors que, bien entendu, le beau, tout comme le monstrueux d'ailleurs, n'existe pas de manière absolue. Ils se définissent différemment selon les individus et les époques. C'est comme ça, on n'y peut rien, faut faire avec ce qu'on a, quoi. Enfin, faut faire avec ce qu'on a. La sale gueule, mais on n'y peut rien. D'ailleurs, nous, les affreux, je suis sûr que Dieu nous accorde un peu de sa miséricorde, car la beauté cachée de l'air, se voit sans de l'air, la beauté cachée. La beauté cachée des laits se voit sans délai, le ton est donné. Pourtant, le lait a pour caractéristique de ne pas rester caché. En effet, les sociétés humaines qui cherchent à magnifier ce qu'elles considèrent comme beau ont besoin du lait comme référent négatif. Ainsi, dans l'histoire, l'autre, c'est-à-dire celui qui n'est pas dans la norme, celui qui est différent, est le plus souvent perçu comme laid, comme à Tokyo en 1968. Tenez, une nouvelle qui nous arrive de Tokyo. En prévision des Jeux Olympiques, on a invité 800 chauffeurs de taxi japonais à venir assister à une représentation spéciale de Cyrano de Bergerac. Pourquoi Cyrano de Bergerac ? Eh bien, c'est, paraît-il, pour les familiariser avec les longs nez des Occidentaux qui vont venir très nombreux aux Jeux Olympiques. Ces longs nez sont depuis toujours l'objet des plaisanteries des Japonais. En japonais, fort heureusement, ces plaisanteries des taxis de Tokyo qui n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse avoir un grand nez. Mais il n'y a pas que les taxis de Tokyo qui n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse avoir un grand nez. Liane Folly, Cher ou encore Michael Jackson, eux aussi ne supportent pas les longs nez qu'ils trouvent laids et qu'ils transforment. Car le goût n'est pas une chose innée, mais au contraire, c'est une construction sociale. L'opposition entre le laid et le beau est un élément majeur du processus de différenciation sociale. Ainsi, Pierre Bourdieu utilise la méthode sociologique pour montrer dans son ouvrage La Distinction, paru en 1979, que c'est leur position dans l'espace social qui permet aux sujets sociaux de créer des classements entre le laid et le beau, entre le distingué et le vulgaire. En gros, Marie Chantal de Versailles partage rarement les goûts de Josiane de Palavas-les-Flots qui, elle, se trouve très belle avec sa coupe à la lionne et ses mèches rouges et qui est très fière de son jogging léopard assorti à ses escarpins fuchsia. Et oui, la mise en norme des critères de la laideur participe pleinement de la distinction sociale. Alors, la distinction sociale, est-ce qu'elle est prête ou pas ? Oui, bonjour, j'enchaîne Marco. Je passe au son suivant. C'est donc tout ce que l'on demande de la correction et du bon goût. Mais le goût comme produit d'un univers social évolue évidemment avec la société qui le produit. L'art en est le meilleur révélateur. Ainsi, la statuaire antique de Praxitèle, en ce moment exposée au musée du Louvre, est très éloignée des femmes généreuses de Rubens. D'un côté, chez les antiques, c'est la recherche de l'équilibre et de l'harmonie. Et de l'autre, dans la société capitaliste naissante du XVIIe siècle, ce qui plaît en revanche, c'est l'exhibition de ses possessions à travers l'embonpoint. Pourquoi tous les gens disent c'est la dandon de Dieu, la dandon de Dieu, la dandon de Dieu, je peux pas le dire, ça me fait rire, et mon rire devient du délire. Voilà qu'à mon tour je crie c'est la dandon de Dieu, la dandon de Dieu, la dandon de Dieu, et tout le monde répète c'est la dandon de Dieu, la dandon de Dieu, la dandon. Eh oui, c'est une évidence, les dondons dodus qui plaisaient à nos grands-pères n'ont plus la cote aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la tyrannie de l'embellissement et de l'amaigrissement général, un véritable succès d'ailleurs. Le succès de l'émission Relooking Extreme suscite diverses réactions. Rappelons que le principe de ce reality show est de faire subir des opérations de chirurgie esthétique à des candidates volontaires. Pour mieux comprendre ce phénomène, notre correspondant local, Francis Kuhn, a rencontré une fan de l'émission. Bien effet, Jules Edouard, je suis aux côtés de Cécile, une inconditionnelle de relooking extrême qui, il est vrai, n'a pas attendu l'émission pour dire oui à la chirurgie esthétique, n'est-ce pas Cécile? Ah, c'est clair. Grâce à la chirurgie esthétique, aujourd'hui, tout le monde peut être belle. Mais c'est vrai que vous en êtes l'exemple parfait. Mais pour revenir à relooking extrême, certains téléspectateurs se disent choqués de voir des gens modifiés, transformés. Oh non, pas moi. On rêve tous d'être parfaits. C'est vrai. Grand, blond, aux yeux bleus. Vous le voyez, Jules Edouard, il y a 70 ans, un homme a proposé ce concept au monde. Éliminer les défauts physiques pour ne garder que le meilleur. Mais on l'a traité de fou, d'hystérique, que sais-je encore. Vous voyez, aujourd'hui, bah, finalement, on y arrive hein, petit à petit. C'était qui? Je vous expliquerai. Francis Kunz, en direct de Mufflin. C'est là que cet homme se trompait, Francis. Pas la peine d'utiliser la force. Hein. Suffisait d'attendre la télé. En effet, il suffisait d'attendre la télé. Car aujourd'hui, la société de consommation et de communication de masse favorise le matraquage d'une forme unique d'esthétisme, un message terriblement excluant. Ainsi, pour appartenir pleinement au corps social, il faudrait en respecter les modèles et les normes. Pourtant, parfois, ben, on ne tombe pas toujours sur celui dont on avait rêvé. J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais je suis chipé pour la pomme d'un vrai tordu, mal balancé. Ce n'est pas un Apollon, mon Jules. Il n'est pas taillé comme un Hercule. Et même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait tel qu'il est, il me plaît. Il est carré, mais ses épaules, par du carton, sont rembourrées. Quand il est tout nu, ça fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Il n'a pas un seul poil sur la tête, mais il en a plein sur ses gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du crin. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait tel qu'il est, il me plaît. Tel qu'il est, c'est ce que préférait au final la divine Fréhel en 1936. Car bien que sublime à 20 ans, Fréhel fut sans cesse lourdée par ses divers amants tout au long d'une vie sentimentale désastreuse. Comme quoi, il n'y a pas que les moches qui trinquent dans la vie, hein ? Alors maintenant, après avoir survolé l'histoire de la perception de la beauté, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, d'offrir à toutes celles et à tous ceux d'entre nous qui sont moches quelques petits conseils pratiques pour lutter contre la laideur. Oui, mon ami, prête une oreille attentive à cette étrange histoire d'une équipe de monstres. Voilà maintenant plusieurs mois que nous venons troubler la quiétude de ton repos dominical. C'est ainsi que chaque semaine, vous êtes plusieurs milliers à venir consulter notre site internet. Et nombreux sont celles et ceux qui sont pour le moins surpris par l'étrangeté de ces photos sur lesquelles toutes les membres de l'équipe dissimulent leur visage derrière des masques vénitiens. Eh bien, ce matin, nous allons te révéler les véritables raisons qui nous ont poussés à refuser d'exposer nos visages à ton regard. Tu vas donc découvrir ici que la panique au Mangin Palace n'est rien d'autre en réalité qu'une monstrueuse cour des miracles où chacun d'entre nous rivalise de laideur avec tous les autres. Mais ce matin, chaque membre de l'équipe a décidé de ne plus avoir peur de son physique ingrat. Et à tour de rôle, nous allons venir devant toi pour essayer de te prouver qu'être moche n'est pas synonyme de désespoir. Commençons par Henri Marc Mutel, le metteur en onde de cette symphonie loufoque. Écoutons ce que Marco voudrait te dire ce matin. Bonjour. Ayant fait des études poussées de gynécologie appliquée, je recherche un poste de directeur de clinique gynécologique en Suède ou en Hollande, que toutes les patientes blondes, jeunes, à porte à poitrine, viennent à moi. Il y a longtemps que je n'ai pas pratiqué la gynécologie et j'attends avec impatience toute personne susceptible de m'aider. Blonde, jeune, à forte poitrine, 25 ans, si tu m'entends, viens ici, viens. Je le veux. Nos deux corps ne formeront qu'un. Eh bien, merci Marco, car je crois que tous les moches auront saisi ton conseil ce matin. Ne jamais renoncer et ne pas hésiter à te lancer, par exemple, dans des études de gynécologie. Quelle leçon de vie, Marco. Laissons place maintenant à Mademoiselle Flora Bernard, cette jeune femme grâce à qui, chaque semaine, tu découvres ici des pépites sonores. Alors, découvrons ensemble quels conseils voulait partager avec toi, Mademoiselle Flora. Avant, j'étais moche. Ma vie était un enfer. Je l'ai rencontré, il a tout changé. J'expours. D'une main, je vaporise. Ça m'abuse. Un coup d'éponge, c'est propre. J'exfours, il agit à fond. C'est chouette, la vie. Oui, c'est chouette, la vie. Et là encore, sublime perspective d'espoir que vient d'offrir Flora Bernard à tous les tromblons. C'est au tour désormais de Thierry Dupin, programmateur musical inépuisable, et d'Olivier Lefailleur, collaborateur sonore, de venir ensemble devant toi pour qu'ils te révèlent leur recette miracle contre la laideur. Ouais gros, ouais gros, faut ta cagoule, faut ta cagoule, faut ta cagoule, ou t'auras froid, t'auras les gants, t'auras les boules, t'auras les boules, faut ta cagoule, ouais, faut ta cagoule, la chair de poule, le nez qui coule, faut ta cagoule, faut ta cagoule, faut ta cagoule, tu n'as reçu de l'est à l'ouest, même à Vesoul, même à Vesoul, faut ta cagoule, ouais, faut ta cagoule, ce vagabond, ce vagabond, ce vagabond, ce vagabond. Eh oui, Olivier et Thierry savent très bien de quoi ils parlent, tu m'étonnes. C'est une technique imparable, en effet, pour éviter le regard des autres. Merci, les gars. Voyons maintenant comment Xavier Mauduit, le co-auteur de toutes ces conneries, et qui est assis à mes côtés en ce moment, parvient à survivre, lui, avec son faciès improbable, là. Eh bien, découvrons par exemple comment Xavier se comporte lorsqu'il croise Marie-Christine Meyer, l'intraitable directrice financière de France Inter, et qu'elle l'interpelle, justement. Quasimodo ! Bonjour, madame. Merci, gentil Quasimodo. Je suis ta fée. Je suis là pour exaucer ton vœu. Un vœu, un seul vœu. Tu peux tout me demander. Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Être beau, être riche? Un vœu? Oui, un seul. Réfléchis bien. Tu as droit qu'à un vœu. Être célèbre, être beau, être roi. J'ai bien une idée en tête, mais je suis pas sûre que vous allez être d'accord. Je suis ta fée. Je suis obligée d'exaucer ton vœu. Demande-le-moi, ne sois pas timide. Ben, mon vœu, c'est que... J'ose pas. Vas-y, ose. Non, mon vœu, c'est que je voudrais un survêt de l'équipe de France. Enfin, Quasimodo, réfléchis. Tu n'as droit qu'à un vœu. Ne le gâche pas. Tu peux tout demander. Être célèbre, être beau, être riche, l'amour, être beau, la gloire, la beauté, être beau. Ah bah du coup, maintenant vous m'avez mis le doute, j'hésite avec le sac de sport. Alors là, c'est une tactique redoutable que vient d'offrir le professeur Mauduit à tous les moches de la France Inter. Feintez la connerie. Encore que là, faites gaffe, hein. Même avec Mauduit, ça ne marche pas à tous les coups et je suis bien placé pour le savoir. Mais alors justement, quel conseil pourrais-je t'adresser à mon tour, moi, ton piètre serviteur qui planque sa laideur derrière son micro? Eh bien, c'est très simple. Voici ce que je voulais te dire. C'est vrai que je suis laid, très laid. C'est vrai. Pourtant, c'est pour ce que je plais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai une sale gueule. C'est vrai. Mais je ne dors jamais seul. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Car qui sait qu'il y a de l'argent. De l'argent. jamais trop laid, trop laid. Eh ouais, je suis laid, d'accord, mais moi, j'ai du pognon. Et franchement, c'est beaucoup plus facile à vivre. Alors voilà, tu sais désormais que toute l'équipe n'est qu'un concentré de laiderons. Seulement, nous qui sommes si repoussants, pour rien au monde, figure-toi, nous ne voudrions devenir sublimes, car nous savons trop ce qu'est en réalité la beauté. Avec ta première Barbie Poufias, tu rentres dans le monde des Poufias. Tu vis les aventures formidables des Poufias qui vont en boîte. Et avec un peu de chance, tu vas rencontrer un connard dans une belle voiture. Comme tous les connards, il va essayer de te sauter comme une bête et tu le reverras plus. Avec Barbie Poufias, tu vis le rêve extraordinaire de toutes les Poufias. Barbie Poufias, un jouet à la con. Barbie Poufias. Alors maintenant, pour clore ces quelques recommandations contre la laideur, c'est toute l'équipe du Mangin Palace qui voudrait persuader les moches qu'il ne faut pas avoir peur de recourir à la chirurgie plastique. D'ailleurs, à ce propos, le mieux, je crois, c'est d'écouter la merveilleuse troupe des déchiens qui va sans doute finir par convaincre les plus réticents. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. (rire) 3615, code Mon corps m'appartient. Pourquoi ne pas transformer son corps? Pourquoi laisser les outrages du temps faire leur travail? Non, on peut se transformer et c'est ça qu'a le projet de faire Bruno Locher. Bruno Locher a décidé de prendre rendez-vous dans une clinique de chirurgie esthétique pour transformer son vilain minois. Parlez-nous, Bruno, de votre projet. Ben non, c'est pas un projet puisque je l'ai déjà fait, hein, c'est fait. Ça y est, c'est réalisé. Ah bon, hein? Bah, j'ai mal lu le dossier. D'accord. Donc, je dois même rester 3 semaines là-bas. Hein, D'accord. Donc là, c'est le résultat. C'est le résultat final. On voit bien que c'est un petit bijou, hein, quand même, il faut reconnaître. Hein, mais il faut dire aussi, j'ai choisi. Bon, on arrive là-bas à la clinique, on nous donne un catalogue, donc on choisit, hein, on choisit ce qu'on veut dans la branche qu'on veut. Moi, c'est le cinéma qui m'attire. J'ai choisi des acteurs de cinéma américains. Ah bon, donc je me suis payé, pas mal, hein, c'est assez cher, hein, le front Marlon Brando. Ah oui, le front viril, décidé, spacieux. Très spacieux. Très spacieux. Très imposable. Hein, très imposable. Tout le monde n'arrête pas de le dire. J'ai pris le menton de Brad Pitt. Pourquoi? Parce qu'il est joli. Il est joli, petit, douillet. Enfin, on s'y sent bien, quoi. Il est douillé, votre menton. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Les oreilles. Les oreilles, voilà. J'ai pris les oreilles de Alain Ouskouri. De? Alain Ouskouri. Ah bon, oui, d'accord. Oui. Oui. Enfin, on s'en fout, ils sont cachés par les cheveux de Garcimore. Et puis, j'ai pris. Et les œils de Jodassin. Eh bien, merci, Bruno. C'est formidable. Et c'est un merveilleux espoir pour tous les laiderons. Don't be hasty, c'est ce que recommande ce mois-ci l'éphèbe Paolo Nutini. Don't be hasty, ne te précipite pas sur n'importe qui, car, comme disait l'autre, mieux vaut prendre son temps pour choisir une femme belle et rebelle plutôt qu'une moche et remoche. Alors maintenant, pour prolonger notre aventure dominicale intitulée ce matin « Tu es moche », il est temps désormais à 11h31 de te dévoiler, entre fiction et fantaisie bien sûr, combien les vieux éléphants du Parti Socialiste sont pour le moins complexés depuis que Ségolène Royal est devenue leur candidate officielle au mois de novembre dernier. Jusqu'à présent, les ténors socialistes n'avaient accordé dans leur histoire que peu d'importance à leur apparence physique. Les hommes pouvaient être laids, puisque c'était les idées politiques qui devaient être belles avant tout. Seulement voilà, depuis plus d'un an, Madame Royal est venue bousculer la tradition socialiste, puisqu'elle a décidé, entre autres, de jouer sur son physique durant cette campagne électorale. Désarçonnés par cette nouvelle stratégie de la beauté froide, les éléphants jaloux n'ont rien trouvé de mieux à faire ces derniers mois que d'entretenir une atmosphère machiste et misogyne contre leur candidate. C'est moche, ça aussi. Et c'est ainsi que lundi dernier, exaspéré, François Hollande, premier secrétaire, a enfin décidé de mettre fin à ce climat délétère et hostile. Pour vider cet abcès purulent, il a donc consulté tous les barons du parti. Il était 10h30 lundi matin lorsque François a reçu en premier Dominique Strauss-Kahn, rue de Solferino. Ah mais, moi j'ai aucun problème avec Ségolène. Je fais la bise quand je la croise, on s'entend super bien tous les deux. Non, celui qui a un problème avec Ségolène, c'est Laurent. Lolo et Ségolène ? Cul et chemise. En meeting, Lolo s'assoit toujours à côté d'elle. Non, entre nous, celui qui a un vrai problème avec Ségolène, c'est Jack. Formidable Ségolène, je l'adore. Aucun problème avec elle. Contrairement à Martine. Non, pas moi. Oh, tout va bien avec elle. Par contre, celui qui a un sérieux problème avec Ségolène, c'est Lionel. François Hollande s'aperçoit donc très vite que le problème Ségolène n'est pas du tout réglé. Il faudrait au moins qu'il voie Jospin très vite. Peut-être pourrait-il réellement faire des efforts, celui-là aussi, pour rassembler les troupes. C'est alors qu'un jeune militant lui apporte la nouvelle affiche de campagne de Ségolène Royal, la France présidente. François Hollande la trouve sublime sur cette photo. Et d'ailleurs, il demande à ce jeune militant socialiste ce qu'il en pense, lui, de cette affiche. Ségolène se voit déjà la reine, une jolie femme à la tête de l'État. Faut un peu plus pour maîtriser les rênes qu'un beau tailleur ou qu'un joli minois. Mon Lionel, on n'a plus ton portable. Ségolène, où sont les socialistes? Mais c'est fini, oui, avec Jospin, François Hollande est à bout de nerfs. Ségolène, qui vient d'entrer dans le bureau, interpelle immédiatement ce jeune militant insolent. Si on te dit que t'as une belle gueule, y a pas de quoi t'en vanter. Et au lieu de faire le bégueule, tu ferais mieux d'en profiter. Ne crois pas que toute ta vie, on t'aimera pour tes beaux yeux. Car si ta gueule fait envie, c'est que t'es jeune et rien de mieux. Ne crois pas que tu seras toujours beau gosse. Ne crois pas que ta jeunesse durera. Le jeune militant sort du bureau les yeux au ciel. C'est alors que Ségolène confie à François qu'elle n'en peut plus de toutes ces attaques mesquines et misogynes. D'ailleurs, elle commence à douter. Je me sens pas belle. Mais si. T'es très belle. J'ai un double menton, un gros pif et des petits yeux. T'as le visage le plus laid que j'ai jamais vu. Mon thorax est plus proéminent que la moyenne. Puis on voit mes os. Je veux pas être maigre, mais je veux pas de cellulite, alors c'est un vrai problème, parce que si je grossis, on voit plus mes os, mais j'ai de la cellulite. Et si je maigris, j'ai plus de cellulite, mais on voit mes os. François Hollande est inquiet. Ségolène est une battante, et là, il semble que son ego soit réellement touché. Il décide donc immédiatement de convoquer Jospin dans son bureau. Lionel se pointe et affirme qu'il est prêt à faire cesser toutes ces vilainies qu'à une seule condition, qu'il soit lui aussi sur les photos officielles de la campagne aux côtés de Ségolène. François Hollande trouve cette requête ridicule et lui demande pour quelle raison. Eh bien, pour Lionel, c'est une évidence. Je suis beau gosse, c'est la nature qui a dessiné mon portrait. Je suis beau gosse, j'ai de l'allure, Lionel tente donc de rivaliser avec Madame Royale, mais quand elle entend ces mots, Ségolène pouffe et n'en croit pas ses oreilles. Non mais franchement, Jospin sur la photo avec elle, il en est hors de question et pour cause. Bah oui, mais elle me plaît pas, votre tête. Je la trouve vulgaire et disgracieuse. Vous n'avez aucun charme. Du moins apparent. Excusez-moi de vous parler comme ça, ça échappe. On n'y peut rien, c'est vraiment dégueulasse. Oui, le temps est maussade, Ségolène est fatiguée, la campagne est difficile et elle demande alors à Lionel de ne pas lui en vouloir d'avoir été aussi dur avec lui à l'instant. Mais bon, c'est vrai ça aussi. Faut bien qu'il comprenne, Lionel. Elle ne peut pas s'afficher avec un vieil éléphant, là. C'est une campagne glamour, gloire et beauté. Sauf que là, c'en est trop pour Lionel. Je ne suis pas un éléphant! Je ne suis pas un animal! Je suis un être humain! Je suis un homme! Du coup, Lionel Jospin devient féroce et face au mépris de Ségolène, il dit à François Hollande ce qu'il pense réellement de sa compagne candidate là. Elle est laide, laide, laide, elle est laide comme un pou. Mais quand on éteint la lampe, ben ça ne se voit plus du tout. Mais quand on éteint la lampe, ben ça ne se voit plus du tout. Alors là, François Hollande devient rouge comme une pivoine et tel un coq. Il s'avance vers Lionel Jospin et lui balance que... Si tu me dis qu'elle est moche, tu y manques de respect. Je t'allonge une avoine, ça sera pas du cinoche. Mais si tu me dis qu'elle est belle, comme je suis très jaloux, je t'éclate la cervelle, il faut rien dire du tout de ma gonzesse. Celle que je suis avec ma princesse, celle que je suis son mec, wow, wow, wow. Jospin est consterné et il décide de ne pas s'engager, bien sûr, dans ces discussions stériles. Il préfère prendre congé et claque la porte du bureau de François. Vu la mocheté de l'ambiance au parti en ce moment, et pour faire bloc avec Ségolène, François a donc décidé de l'accompagner jeudi lors du meeting prévu à Limoges, histoire de chauffer la salle. Et vendredi matin, bingo, le quotidien Libération titrait à propos de ce meeting à Limoges, la belle et la bête de Seine. Et ben voilà. Même rempli de bonne volonté, François Hollande ne parvient toujours pas à faire oublier les complexes de ces éléphants socialistes. Enfin, faut faire attention, hein, parce qu'on dit « parti socialiste, parti socialiste ». Certes, mais il paraît que vendredi soir, tard, aux abords de la gare du Nord, Nicolas Sarkozy rôdait et vivait très mal son départ de la place Beauvau, une nostalgie sans doute. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Mais bon, là, c'est différent. Monsieur Sarkozy, lui, il peut compter désormais sur la fidélité de François Baroin pour lui remonter le moral en essayant, par exemple, de nous faire croire, comme M. Baroin l'a fait cette semaine, que les incidents de la gare du Nord sont également et surtout un problème d'immigration. Et ça, vraiment, c'est franchement moche. Mais c'est la belle solidarité du pouvoir et comme dirait François Baroin, si t'as besoin de moi, peu importe le problème, je te tendrai la main si les autres portes se referment. Si t'as besoin de moi, peu importe le problème, pour te tendre la main si les autres portes se referment. La mienne est ouverte, sans question, sans condition. Faut juste s'entendre sur la date, j'ai des obligations. Tu peux compter sur moi quand tu veux et où que ce soit. Je serai toujours là pour toi. Tu peux compter sur moi. Mais surtout, n'oublie pas. Faut pas que ce soit trop loin, je prends pas l'avion, j'ai trop peur. Je prends pas non plus le bateau parce que j'ai le mal de mer. Je peux venir en train, mais je voyage en première. Comme je conduis pas pour la voiture, il me faut un chauffeur. Sinon, à part ça, tu peux compter sur moi. Si tu as perdu le goût et perdu le chemin, si tu tiens à peine debout, si c'est la peine qui te tient, si tu te sens seul, si t'as besoin d'une épaule, si tu te sens mal, t'hésites pas, tu m'appelles. Tu peux compter sur moi quand tu veux et où que ce soit, je serai toujours là pour toi. Tu peux compter sur moi, mais surtout n'oublie pas, le week-end ça m'arrange pas, la semaine je suis pas trop joignable, les vacances pourquoi pas, sauf que je coupe mon portable. Je peux je crois en juin, mais vaut mieux que je vérifie, dimanche en 8 je fais rien, ah non je serai pas à Paris. Sinon à part ça, tu peux compter sur moi. Le mieux c'est que tu m'appelles plus, c'est ça. Oui, non, je raccroche, oui, il faut me laisser maintenant. Je raccroche, oui. Faut pas que ce soit trop loin et faut choisir le bon jour. Mais je serai là pour toi, j'espère que tu en es sûr. Tu me raconteras tes malheurs, je dirai des banalités. On parlera pendant des heures, et si c'est pas assez, je te jouerai n'importe comment les morceaux de Joe Dassin. On sortira les trompettes et tant pis pour les voisins. Si un jour ça va pas, j'espère que tu viendras. Je compte sur toi. Tu peux compter sur moi, c'est ce qu'assure Benabar sur son nouvel album intitulé « Reprise des négociations ». Parce que, c'est clair, si tu es moche et dragueur, c'est à chaque fois la reprise des négociations pour prouver que ta véritable beauté, ben, elle est intérieure. Alors, pour poursuivre notre exploration de l'univers si décrié de la mocheté, il est grand temps maintenant à 11h43, de retrouver nos deux héros si beaux, les affreux Monique et Jean-Claude. En effet, cette semaine, notre couple infernal a dû s'occuper d'Agathe, une amie d'enfance de Monique. Agathe, comme fille, elle n'a pas un physique facile et comme elle vient de se faire plaquer une nouvelle fois, du coup, Agathe, elle déprime. C'est donc Agathe the Blues, quoi. Alors évidemment, Monique, toujours bonne copine, a décidé de tout faire pour lui redonner confiance en elle. Monique, elle ne comprend pas pourquoi son amie Agathe s'est encore fait plaquer. Alors que pour Jean-Claude, c'est beaucoup plus clair. Non mais tu l'as vu ? Elle est immonde ! Non mais t'as pas vu la fille ? Enfin, elle est immonde ! Je sais plus où Yankelevitch écrit que l'homme est un être essentiellement optique, mais ça, les femmes le savent depuis toujours. Même les moins jolies. Surtout les moins jolies, parce qu'elles savent que si elles veulent un peu d'amour, il faut qu'elles soient plus imaginatives que les autres. C'est un peu injuste, mais c'est comme ça. Monique répond à Jean-Claude qu'il s'agit là de foutaises phallocrates et que sa copine Agathe, bon, c'est vrai, c'est pas une bombe sexuelle, mais elle est quand même très jolie. Jean-Claude répond que non, Agathe, elle est tellement moche qu'on la croirait venue d'une autre planète et que pour la décrire, les mots boudin, tromblon, morue ne peuvent même pas convenir car... Les mots pour elle sont sans valeur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Entendre Jean-Claude dire autant de mal de sa copine Agathe, Monique, ça l'énerve. De toute façon, il est tard, elle ne veut plus discuter et elle va se coucher. Pourtant, en se démaquillant, Monique ne peut s'empêcher de regarder son minois dans le miroir. Elle est encore jeune, mais elle porte déjà quelques ridules d'expression comme cadeau du temps qui passe. Et puis, sa peau n'est plus aussi ferme qu'autrefois. Monique, pour la première fois ce soir, elle doute de son physique. Alors, elle tente de se rassurer auprès de son Jean-Claude. Tu vois mes pieds dans la glace ? Oui. Tu les trouves jolis ? Oui, très. Et mes chevilles, tu les aimes ? Oui. Tu les aimes mes genoux aussi ? Oui. J'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses. Ah, mais non, t'es pas moche. Ah ben oui, mais j'ai aussi un grand menton que tout le monde me dit attention, vous allez marcher dessus. Oui, ben attention, tu marches dessus. Non, non, je disais ça pour rire. Fais gaffe quand même. Monique, elle ne le trouve franchement pas drôle, le Jean-Claude, ce soir. Il ne se rend pas compte à quel point il est difficile aujourd'hui pour une femme de vieillir, avec toute cette concurrence d'images dans la presse et la pub. Monique, elle veut que Jean-Claude le réconforte. Je me sens pas belle quand tu ris de quoi? Est-ce que t'es belle quand tu doutes comme ça? Monique s'endort donc un peu rassurée dans les bras du Jean-Claude. Mais bon, demain c'est décidé, Monique emmènera Agathe dans un institut de beauté où elles se feront faire un soin complet. Le lendemain matin, Monique et sa copine Agathe, au physique ingrat, se retrouvent donc dans un institut de beauté. Les deux amies sont séparées. Chacune se trouve dans une cabine pour un enveloppement de boue anti-rétention aux huiles essentielles. Monique se sent très détendue. Elle ne pense plus à rien. Jusqu'à ce qu'elle entende les esthéticiennes se raconter leur début de matinée. J'étais en cabine, j'avais une cliente. Attends, elle mais une odeur, mais une odeur. Mais entre la crevette pourrie, tu vois, le parmesan rance, et puis un fumet de transpiration, mais tellement épais, tu vois, je pouvais le bouffer. Et là, elle s'allonge, et je me rappelle que je voulais être infirmière, alors je serre les dents. Alors je mets la crème tout de suite, et puis je commence à masser, quoi. Puis je sens une chair flasque, mais presque adipeuse, molle, quoi. Et puis alors, je commence à rouler, quoi, à masser, tout ça. Et puis là, j'ai des paquets de crasse, mais dégueulasses, sur les doigts, quoi. Et en plus, le pire, c'est qu'elle avait des boutons, mais purulents, mais plein les fesses. Monique comprend aussitôt que l'esthéticienne qu'elle vient d'entendre à l'instant s'est sans doute occupée d'Agathe. Le soin en institut s'avère donc être un échec sévère. Agathe est toujours aussi moche. Il faut espérer que la suite du programme va lui redonner le moral. En effet, Monique, Jean-Claude et Agathe ont décidé d'assister à une conférence intitulée « Alimentation et bien-être ». Tout le monde s'est installé dans l'auditorium et l'intervenant prend la parole. Lorsque votre serviteur prend la parole aux quatre coins de la France pour vanter devant un public attentif les qualités énergétiques ou gastronomiques de la morue, il constate avec toujours une certaine gêne qu'il lui suffit de prononcer le nom de ce poisson pour déclencher chez ses auditeurs des sourires entendus. Nous savons tous à quelle malheureuse association d'idées nous devons ce regrettable réflexe. Eh bien, cette année, nous allons tenter une curieuse expérience publicitaire pour remplacer les sourires équivoques par un rire sympathique, espérant par ce biais donner à la morue une image de marque sans ambiguïté. Agathe ne peut plus supporter ce discours. Elle ne veut pas avoir une image de marque sans ambiguïté. Agathe, elle sait qu'elle n'est pas jolie. Elle en a marre qu'on lui parle de son physique parce que pour elle, ça a commencé dès l'enfance. Les garçons du village me jetaient des cailloux quand j'allais au pâturage ou quand je plantais mes choux. Ils m'appelaient la vilaine en me montrant du doigt. Et j'en avais grande peine lorsqu'ils chantaient derrière moi. Tu es laide, laide, laide, bonne qu'à remplir des sous. Tu es laide, laide, laide, heureusement qu'il y a de nous. Jean-Claude, il est désemparé face à la détresse d'Agathe. Alors il tente de la rassurer. Ce n'est pas vrai, elle n'est pas laide, elle a même quelque chose de différent. D'ailleurs, Jean-Claude, il sait trouver les mots justes. Agathe lui répond que pour rendre un homme heureux, il ne faut pas qu'il se retourne sur toutes les filles plus belles qu'elle. Autrement dit, tout le monde. Bon, ok, elle n'est pas jolie, c'est vrai, admet Jean-Claude, mais ce n'est pas la seule à avoir un physique ingrat. Tiens, regarde par exemple. Hé Monique, elle vous fait un sourire dans une rue noire le lundi, le vendredi tu cours encore. Elle a remarqué, elle est moche, hein, moi j'y dis rien. Hein. C'est qu'elle est grande, hein, Monique. Même assise, il faut y monter à manger. Hein. Alors, elle est maigre. Monique, elle est maigre. Et Monique, si elle voudrait maigrir encore, il faudrait qu'elle perde un os. Monique, elle n'en revient pas de la goujaterie du Jean-Claude, même si c'est pour aider sa copine Agathe. Pourtant, ça a l'air de marcher, puisqu'Agathe se sent beaucoup mieux. En revanche, chez Monique et Jean-Claude, ce n'est pas l'extase. Et pour le punir de sa grossièreté, Monique a décidé de se refuser à lui. Jean-Claude est donc contraint à l'abstinence par punition. Il ne s'inquiète pas, Jean-Claude, car il le sait bien, ça va finir par passer. Non, en revanche, ce qui le tracasse, c'est Agathe. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. C'est donc après quelques changements de draps que la belle Monique et le sublime Jean-Claude reprirent une activité sexuelle normale. Voilà, fin de l'histoire. Monique et Jean-Claude ont remonté le moral de leur pas belle copine Agathe. La semaine prochaine, ils doivent accueillir, paraît-il, une autre copine, une certaine Camille, cette fois-ci, ça promet. J'ai connu des tas de filles, des tas de garçons aussi. Mais quand j'ai connu Camille, ah, quel trouble dans ma vie. Camille n'est pas très fille, n'est pas très garçon non plus. Comment expliquer Camille à ceux qui l'ont jamais vue? Camille est assez spéciale, il ou elle, je ne sais plus, ressemble à une amygdale aux extrémités fourchues. Certains trouveraient atroce son corps car un peu partout, où devrait y avoir des bosses, chez Camille il y a des trous. Comment décrire Camille, canicu, ni sein, ni dos? On dirait une chenille ou un dessin de Picasso. C'est comme un intestin grêle avec une tête au milieu. Un gros triangle isocèle pour souffler jaune et visqueux. Chaque nuit avec Camille, je m'envole vers les cieux. Je suffoque et m'écarquille, je plane, je suis heureux. C'est vraiment l'apothéose des voluptés de l'amour. Mais la meilleure des choses ne peut pas durer toujours. Quand le premier soleil brille, venant mettre un point final à l'étrange cérémonie. Camille, quand le petit jour évince la nuit de mon bonheur nuptial, je prends Camille avec des pinces et la remets dans son bocal. Je prends Camille avec des pinces et la remets dans son bocal. Camille, c'est l'improbable rencontre que fit le facétieux Jean-Yann en 1965. Mais bon, Camille ne doit pas s'inquiéter car, comme dit Sacha Guitry, quand on aime une femme laide, il n'y a pas de raison que cela cesse. Au contraire, on l'aimera de plus en plus puisque si la beauté s'altère avec le temps, la laideur, elle, s'accentue. Nous voici donc arrivés au terme de notre voyage dans l'univers pas très joli de la laideur. De la morue au thon en passant par le colin, des canons de praxitèle au complexe des éléphants et des instituts de beauté à la charcuterie esthétique, nous avons tenté de te dresser un panorama incomplet et subjectif, bien sûr, de ce que peut être le monde merveilleux des gens pas beaux. Alors, c'est quoi la mocheté? Eh bien, c'est évidemment une donnée très subjective qui dépend fortement du ressenti de chaque individu. Mais les critères de beauté sont aussi éminemment sociaux. D'ailleurs, aujourd'hui plus que jamais, avec la médiatisation à outrance, une norme du beau s'impose comme une obligation sociale et des modèles clairement identifiés deviennent des normes auxquelles il faudrait ressembler le plus possible. Le ventre se porte plat et la joue émaciée, la jambe est longue et les seins doivent être fermes. Quelques-uns, sans doute, y parviennent un temps de leur vie, mais pour la plupart des mortels... Quand on est ton,